dans ma chambre, il en fait son choix. Il attend patiemment le moment propre. Derrière sa vitrine, furtivement il se glisse. Dans ce serpent de lumière qui claque ses dents, dans des longs et funestes baisers sanglants. Pendant un morbide moment, une forme plus tard et plus calme.